MEV dans vos oreilles. Semaine 20. Dans la bombe poussée, il y a un monastère. Il râle parce que ça fait trois fois qu'il essaie de le dire et que du coup il y a les voitures tout le temps. Je me fais interrompre. Il y a un monastère bouddhiste, il y avait des moines bouddhistes qui étaient en train de enlever les feuilles mortes de devant chez eux. Donc il y en avait un avec un balai, enfin ou deux, et puis un avec son souffleur à essence hein, qui fait un boucan pas possible. Je ne comprends toujours pas. Surtout que c'est un endroit, tu vois, qui aspire à la zénitude. Aussi, faire un peu de silence, tout ça. Vu le nombre de gens qu'il y avait déjà avec les appareils photo et le bruit et tout, c'est pas vraiment un endroit qui aspire à la zénitude, quoi. Je pense pas que les Japonais viennent là pour se zénifier. Non, mais je sais, mais... Oh. Non, mais en soi, moi je fais abstraction des gens. Enfin, tu vois, ils étaient pas bruyants, les gens. Ils prenaient leurs photos tranquillement. Un petit peu, quand même. Mais non. Et c'est moi qui râle. C'est absurde. Enfin, dépenser de l'essence et polluer pour des feuilles, en fait, je comprends pas. C'est vrai que le bruit est en plus hyper agressif et l'odeur aussi, parce que ça sent fort, quoi. Ça sent fort l'essence. On a vu énormément de jolies petites maisons avec des jardins hyper bien entretenus et tout ça. Ouais. C'est très très très très joli. Je trouve ça chouette de se balader dans ces petites villes de banlieue qui sont là hyper calmes et en plus hyper vertes, entourées de montagnes touffues, hyper vertes. On a vu beaucoup d'enseignes écrite en français depuis qu'on est arrivé. On se dit qu'il devait y avoir beaucoup de français, beaucoup de tout d'ailleurs, hein, pas que des français, mais beaucoup de gens qui tombent amoureux du Japon et qui y restent. Et je comprends pourquoi. Nous sommes devant un... Devant un. Oui, devant je fais un. Des bonnes liaisons dangereuses. Un sanctuaire Shinto. Ça y est, maintenant on sait reconnaître. Il y a des tori. Nous sommes dans la cité impériale de Kyoto. C'est beau. C'est très beau. C'est très calme. C'est calme, c'est grand. Alors qu'on est à deux pas du défilé. Et ça reste... Ouais, donc le défilé, c'est un des trois plus grands festivals de Kyoto. Et défile des plein de gens dans des costumes traditionnels... des instruments traditionnels. Ça représente toute la culture japonaise sur plusieurs siècles en fait. Sauf que bah, du coup, c'était en japonais. Enfin, que la dame, elle parlait qu'en japonais. Du coup, bah, on savait pas trop à quoi ça correspond. Puis il y avait beaucoup de monde, donc on voyait pas non plus hyper bien, quoi. Moi, ça va parce que je suis un peu plus grand que toi. Ouais, moi je suis petite. Là, on est devant le Shunkoden. Ça a été construit en 1915. En fait, oui, cette cité, le palais du moins, a été. Et les bâtiments autour ont pas arrêté d'être détruits par le feu, reconstruits, puis redétruits par le feu. Je crois 16 fois. Entre 700 et 1250, 16 incendies. C'est pas mal quand même. Enfin, faut avoir le temps de la reconstruire et tout ça. Puis ensuite, non mais voilà, parce qu'après il y en a eu d'autres, hein, des incendies, des. Il y en a un qui a décidé de raser puis de reconstruire un peu à sa sauce. Et là, les constructions les plus récentes datent d'il y a 100 ans. Donc aujourd'hui, c'est pas tellement utilisé par l'empereur, si ce n'est. Il y en a eu un qui l'a utilisé pour sa cérémonie d'intronisation. Justement, en 1915. Oui, c'est ça. Jusqu'au l'avant-dernier, du coup, parce que c'était utilisé quand même, même si que Tokyo était la capitale, ça restait utilisé pour l'intronisation. Tokyo est devenue la capitale en 1869. C'était transféré de Kyoto à Tokyo. Je pense qu'il y a bien, en effet, il y a bien moins de monde que si on y avait été un jour, il n'y avait pas le défilé. Oui, parce que du coup, là, tous les gens, je pense, regardent le défilé, et puis ils viendront peut-être après, en tout cas les touristes. Mais là, du coup, on est plutôt peinards, quoi, ça va. Et on a accédé aux loges du défilé, on voyait les gens se préparer, donc on en a vu plein. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas savoir à quoi ça correspond. Bon, c'est pas grave. On regardera les films de Kurosawa. Comment s'appelle ce jardin? Parce qu'on est dans un endroit qui est juste magnifique. Wakeniwa. Le jardin Oikeniwa, peut-être? Oikeniwa. Et c'est trop beau. Il y a un étang, un pont de bois, juste trop. Trop beau. J'ai pas d'autre. Ah, une petite île avec comme un petit hôtel où je sais pas trop exactement. Des espèces de grands bonsaïs là. En fait, tu te dis quand t'as ça chez toi, bah t'es quand même pépouce. C'est une sorte de plage de galets. Tu sors plus jamais de chez toi, quoi. Non, bah non. À quoi bon? T'as la forêt autour de toi, de l'eau. Sûrement de la faune. C'est ravissant. Oui, on a vu des poissons. Alors, le défilé a dû terminer parce qu'il y a plein de gens qui arrivent. Alors, on était tranquille. Non, c'est absolument magnifique. Moi, je veux un jardin comme ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas jardiner, mais bon. Je comprends qu'Albert Kahn soit tombé amoureux des jardins japonais et qu'il en ait recréé un dans sa maison. Si vous avez l'occasion d'aller à Boulogne voir le musée Albert Kahn, franchement c'est chouette. Il y a des super belles photos. L'intérieur et l'extérieur sont très très chouettes. Dans un restaurant où tu sais, ils cuisinent vraiment sur ta table. Quoi. petit. Ouais. La table est très très petite, c'est la plaque est gigantesque devant toi. J'ai plus le nom du coup en japonais, et comme tout est en japonais, je pourrais pas vous dire. Du resto ou du type de resto ? Le type de resto. Non, le nom de resto c'est Watanabe. Mm. Et le type de resto. Et... Ça sent très très très bon. L'ambiance est sympa quoi, c'est encore assez bien dessus. Je pense qu'il n'y a pas énormément de touristes en fait, même s'ils ont un menu en anglais. Mais... Oui, ça aide un peu. Vincent, il a mangé du poulet. Pourquoi tu casses ? Les gens, ils croient tout le temps qu'on est pressé, mais en fait, on est tranquille. Nous, on a le temps. Bon, bah, on vient de sortir du restaurant. C'était divin. C'était absolument délicieux. Personne va nous croire à force qu'on dise que tout est délicieux comme ça, mais vraiment, c'était excellent. Alors que pourtant, ça payait pas de mine. C'est-à-dire qu'on serait jamais rentré si on n'avait pas vu le truc sur Google, quoi. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, tout est écrit en japonais sur la devanture, donc... Quand tu... Mais tu vois pas en fait à l'intérieur des restaurants, parce que comme du coup il y a leurs espèces de petits fanions là, enfin un tissu, te dire que c'est un commerce et que c'est ouvert, bah du coup ça cache l'intérieur, donc souvent tu sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu bon. Ils étaient trop gentils. Ah ouais. Alors le type de restaurant c'est des teppanyaki. Et c'est trop cool parce que on pensait à manger du poulet, moi aussi du coup, mais il y avait plein de trucs végés. Enfin c'était, pour le coup t'avais le choix quoi, tu pouvais manger des espèces de... Moi j'ai mangé on a partagé un pancake au chou, avec des soba et tout ça, franchement avec plein de sauces hyper bien assaisonnées et tout, c'était vraiment délicieux. C'est elle quoi. Qui nous a assaisonné tout ça, elle a fait en sorte que ce soit pas fort pour nous. Elle a mis 20 millions de petits assaisonnements dessus, 3 sauces différentes. Une espèce de, je sais pas ce que c'était, peut-être du poisson séché, je sais pas quoi. Des petites herbes, petites épices et tout. C'était tellement bon. Et en sortant, elle nous a offert 2 petits origamis et 2 petits Kit Kat au matcha. Trop mignon! Non mais c'est adorable. Je pense qu'en effet, il voit pas beaucoup de touristes et du coup... Il y avait des touristes chinois aussi apparemment. Ouais, mais il y a un local qui est rentré, qui était un habitué a priori, et qui a fait une tête en nous voyant. Je pense qu'il s'attendait pas à voir des étrangers dans son restaurant de quartier. Ouais. C'est trop chouette. En fait, du coup, ces petits restaurants, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Parce que c'est... Les mecs, en plus, c'est des dieux de la cuisine, quoi. Et tu manges pour pas très cher. C'est vrai qu'en fait, c'est pas cher, quoi. Enfin, au final... Bah, j'arrive pas trop à savoir si c'est pas cher ou pas. Là, on a pris un verre chacun en plus. On en est pour quoi ? Entre 15 et 20 euros, parce que bon, j'ai pas tout à fait le coefficient exact. 15 et 20 euros à deux pour un dîner, enfin au resto. Oui, c'est vrai. Avec une boisson et on a bien mangé quoi. Ouais, bah pour le Japon, enfin tu vois, le reste, quand tu compares beaucoup de choses, c'est ce qui est presque de moins cher, c'est de manger au restaurant quoi. Dans ces restaurants là. Enfin, surtout que quand même, je pense qu'on évite pas mal de déchets. Enfin, on a toujours ce débat, on sait pas trop, mais tout est tellement emballé dans le supermarché. Que du coup, on se dit que peut-être au moins au resto, s'ils vont au marché pour récupérer leur bouffe, enfin, les produits et tout, peut-être que c'est moins emballé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de l'emballage, mais en effet, ils emballent des plus grosses quantités, donc... Au final, ouais, ça risque de faire moins, mais on se fait avoir souvent en se disant on a acheté un truc dans du papier ou dans du carton. Il se trouve qu'en fait, soit le papier qu'on pensait c'était en plastique, soit c'est doublement emballé dans du plastique à l'intérieur. Et voilà, et c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que finalement, les restaurants, mais où que ce soit, tu n'as pas de visibilité de savoir quel déchet, toi en tant que client du restaurant, tu as produit. C'est sûr. Ouais, t'as l'impression que t'en produis pas, mais en fait, si, t'en produis, mais c'est juste que tu sais pas quoi. Et dans quel coin... Ah oui. Enfin... Non, mais c'est comme la viande, quoi. Tu te rends pas compte, tu manges ton steak, mais tu te rends pas compte tout ce qu'il y a derrière, essentiellement. De quoi, des conditions d'élevage d'eau ? Ouais, tout ça. Oui, et de la pollution que ça engendre, quoi, oui, en fait, sûr. Au final. Bon. En tout cas, c'était encore délicieux. C'était encore une très bonne adresse. Voilà. Il y a un chat. Il y a des chats. Les chats n'ont pas du tout l'air sympathiques. Mais alors vraiment pas, quoi. On a croisé, je sais pas, une petite dizaine depuis qu'on est arrivé. Un truc comme ça. Et à chaque fois, ils ont des têtes. Tu leur ferais pas des câlins, hein. Ça veut rien dire. Mais non, mais ils ont l'air... Si, bah, y en a un qui t'a craché dessus. Et non, globalement, tu sens qu'ils sont pas... Ils ronronnent pas, ils viennent pas se frotter à toi pour avoir des câlins, quoi. Ah oui, et on a oublié de dire un truc que je veux dire depuis 3 jours et que je n'arrive pas à dire. Toutes les fois où on a visité des trucs très touristiques, il y a toujours des hommes en costard avec un petit attaché case qui visitent en même temps que nous et qui prennent des photos. Trop bizarre. Oui, c'est vrai, c'est rigolo de voir des... Enfin, je sais pas si c'est des touristes ou est-ce que ce sont des hommes d'affaires qui, tu sais, qui sont... Là, de passage... Oui, mais du coup, chez nous, ça arrive quasiment jamais. Quand tu visites un truc touristique, t'as jamais quelqu'un qui est habillé en costard qui va entre deux réunions, quoi, tu vois. Enfin, ça faisait très... Bah, ici, ils sont hyper bien fringués quand... Enfin, globalement, quand tu sens que c'est des gens qui travaillent dans des bureaux, quoi... Enfin, ils sont impeccables, quoi. Puis, il y a... Oui, je pense qu'ils aiment bien la mode et tout ça. Enfin, ils ont une esthétique très particulière qui est propre, quand même... Au Japon, enfin, tu reconnais quand même... Enfin, toi, je sais pas si tu t'y connais trop, mais moi, pas du tout. Pas. Moi, c'est pas du tout le genre de truc que je remarque. Donc. Je m'y connais pas beaucoup en mode, mais c'est... Ces tailles un peu larges, ces coupes un peu boyfriend chez les filles, ces matières très... Enfin, ces couleurs un peu neutres et tout, c'est... Enfin, bon, bref, tu... un peu à la... toutes les fringues qu'il y a chez Muji, quoi. C'est ton domaine, je ne... Ah non, c'est pas mon domaine, la mode, non, clairement, on peut pas dire ça. Tu parles de Muji. Mais je suis plus... Bah tu connais quand même. Je connais, mais je vois pas du tout ce qu'ils font en termes de fringues, si tu veux. À un moment donné... Mais c'est pas grave. Ne suis rien, ce petit. Peut-être qu'il y a des gens qui sachent. Qui savent. Oh, il a bu un peu d'alcool. Tu fais des liaisons aussi dangereuses. Ah oui. On est le 27 octobre. Wow. 2019. My God. On parle de hier soir. On était dans notre lit et on a senti une petite secousse sismique. Ouais. Qui a duré 3 secondes en fait. Hein. C'était court, mais on l'a bien senti quand même. On a enfin, été secoué. Ça a bien bougé. C'est-à-dire que toi, t'as cru au début que c'était le train qui passait à côté, parce qu'en vrai, en effet, il y a le train qui passe, donc ça faisait un peu de bruit. Mais le train ne nous faisait pas bouger comme ça. Ouais, quoi. Donc là, ça a bien vibré. Du coup, on n'a pas su tout de suite, enfin, on n'a pas pu les vérifier tout de suite si c'était une secousse sismique, le temps que bah, il répertorie tout ça. On était à 99% sûr parce que. C'était quand même... vu comment ça faisait, on était secoués de façon latérale. Tout à fait. Donc, c'est là où tu sens que les constructions sont quand même bien, bien foutues. Donc ce matin, on a vérifié sur les sites qui répertorient l'activité sismique au Japon, qui est quand même très importante. Ouais. Globalement, il y en a entre 1 à 5 par jour hein, quand même sur toute l'île, donc c'est beaucoup. Mais sur de petites magnitudes... Bah là, c'était combien ? 2,9 sur l'échelle de Richter. Ouais, ça se sent, 2,9. Bah, tu crains pas ta vie, clairement, hein. Enfin, pour ta vie, parce qu'on se sent en sécurité, mais... Bah, c'est vrai que ça fait... Ouais, c'était que quelques secondes, mais t'as ça pendant une minute, même si c'est léger, je pense que tu peux facilement avoir un petit peu des dégâts, je pense. Mais... En tout cas, tout va bien. Non, non, mais ouais. Mais c'est vrai que c'était la première fois qu'on avait expérimenté ça, parce qu'on avait une quand on habitait à Bordeaux, mais on dormait, donc on s'en était pas rendu compte. Mais l'autre soir à Kyoto. Ouais, mais non, en fait, du coup, ça n'était pas une, puisque. Ouais, puisque la dernière, elle datait d'il y a moins de 30. Enfin, je crois que ça n'était pas une. Bon, je sais pas. Là, nous sommes à Nara. Ça y est, nous avons bougé de Kyoto. Enfin. On est plus près de Osaka que de Kyoto. Et nous allons visiter un petit peu. Ouais, ce soir, un petit peu, parce qu'il est 15h15. On a un petit peu de marge. Et que tout ferme à 17h, globalement. Bien sûr. Mais on va pouvoir aller voir demain le grand parc où il y a des daims en liberté. Je suis très excitée à cette idée. Et là, on va voir une pagode. Donc, le temple Kofukuji. Oui. Allez. Tout à fait. C'est première impression, c'est très mignon. C'est très mignon, c'est... Tranquille, il y a du monde. On sent qu'il y a des touristes, que c'est très touristique, mais ça reste hyper calme. Ouais. Même s'il y a plein de gens qu'on a croisés, bah franchement, ouais, ça va quoi, c'est très agréable. On a bien mangé ce midi. On a encore mangé des petits mochi pour le dessert, qui était délicieux. Ouais, là, c'est encore une autre recette de mochi avec une espèce de farine de sésame, je sais pas. C'est délicieux. Ouais. On est bien installés. Ouais, cool. C'est plutôt mignon. On va pouvoir bosser un peu, je pense qu'on aura de la place. Ouais. Et puis, du coup, on a réservé une nuit de plus. C'est dit, on check avant si ça nous convient et tout. Et voilà. Mmh. On va la jouer tranquille, je pense. Ça va pas être trop bien. Mais surtout, j'ai mal aux pieds. Bah oui. J'ai une petite crevasse. Enfin, je sais pas ce que c'est. Bref, ça fait mal. On va soigner ça. Oui. Il fait beau. Pas trop chaud. Non. Bon, il pleut mardi, mais demain, je crois qu'il fait encore beau, donc on va profiter pour visiter le parc. Nara est une ancienne capitale du Japon, avant Kyoto. C'est la première, en fait. Enfin... Ouais, je pense que c'est la première qui a unifié le Japon, quoi. Quand après l'unification, ouais, c'est ça. C'était au 15e siècle, non? Quelque part par là, oui. Du coup, il y a plein de touristes, là, où on est, mais... Il y a aussi des petits daims qui sont... Ils font la sieste. Bien tranquilles, juste là. Ils n'ont pas peur. Hein. Oui, les enfants. Ils sont très habitués. Oh. Et c'est des bêtes qui sont donc vénérées. Ah, il y en a un qui a essayé de passer à travers la grille. Ah, il y en a partout. Regarde, regarde. Ça y est. Ça trottine. C'est trop drôle à voir. Et oui, c'est des bêtes qui sont vénérées dans la religion bouddhiste. Non, non, mais c'est ça, quoi. C'est des... Oui, ce sont des messagers de Dieu. De Dieu avec un grand D ? Non, avec un petit D et un X. Ah, des dieux, alors. Octobre 2019. Il y a des tortues. Il y a un petit lac, petit étang, petite mare, je sais pas trop comment on dit, à côté du parc. Et hier, il y avait un petit rocher en plein milieu avec une tortue dessus. On ne savait pas si c'était une vraie tortue ou une fausse tortue. Ce matin, il n'y est plus, donc on sait. Et je crois que j'ai vu une petite tête de tortue qui nageait hier. Et là aussi. Il y a des tortues dans les lacs ? Parfois. On n'a pas raconté qu'on est allé voir une maison traditionnelle. Tout à fait. De marchands, de Nara. C'est hyper intéressant de voir comment c'était fait. Et c'était beau. C'était très beau. Et somme toute, ça avait l'air très confortable. Pour un truc qui remonte à il y a longtemps, quoi. Ouais. En général, quand tu visites ce genre de maison un peu traditionnelle, tu sens qu'il y a eu du progrès depuis. Enfin, quand même, on a... que c'est bien que ça se passe plus comme ça et que l'architecture ait un peu changé et que ce soit plus fonctionnel. Mais là, ça m'a pas fait cette impression-là. J'adore la sensation du tatami sur les pieds. C'était gratuit comme visite. La dame était trop gentille. Elle était trop, oui, trop gentille. Et elle nous a offert des petits origami quand on est parti. Du coup, maintenant, on en a... 4. Oui, on commence à avoir une petite collection. Je trouve ça assez toujours impressionnant, les origami. Je sais pas si j'aurais la patience de les faire. Mais... Moi, clairement, non. Ah tiens, en parlant d'origami. Hier, je suis tombé sur un paquet de Kit Kat. Alors, bon, règle générale, je boycotte, hein, de toute façon, ce genre de truc. Mais, tu sais, des fois, bah... On flanche. Et juste spoiler alert, c'est ta gourmandise qui a pris le pas sur ta raison, quoi. Non, et, alors, il y avait ça, mais il y avait aussi le côté un peu intrigué parce que j'avais vu passer, il n'y a pas très longtemps, qu'ils avaient lancé leur production au Japon de sachets en papier pour justement pouvoir en faire des origamis. Juste pour une petite information, les passages piétons au Japon, c'est pas vraiment priorité aux piétons, quoi. Mais même avec les vélos, hein, c'est pas priorité avec les piétons. Ce qui est très étonnant, vu tout le reste, toujours de respect, de bienveillance et tout ça, là ce soit pas le cas. Désolé, on a essoufflé, mais on va monter les escaliers, comme on est sportif comme personne. Donc, ouais, ils ont lancé ces sachets en papier pour ensuite en faire des origami. Et je me suis dit, chouette! Du coup, c'est un emballage presque zéro déchet. Bon, sens où c'est du papier, donc recyclable. En fait, que nini, c'est de l'arnaque leur truc. Parce que ok, le sachet, le gros sachet qui emballe le reste, il est en papier. Sauf qu'à l'intérieur, c'est toujours des petits sachets plastiques. Donc, je me suis fait avoir. Et voilà. Énorme fail, énorme. Ouais, non, un peu deg. Donc, j'en rachèterai plus, de toute façon. Parce que j'en achète pas en temps normal. Mais on a eu quand même deux énormes exploits. Des énormes exploits. Bah, pour le Japon, on était contents. On est allé à la boulangerie pour acheter de petits déjeuners pour ce matin. Et du coup, on a apporté nos sachets plastiques qu'on n'a pas eu le choix d'avoir jusqu'à maintenant. Du genre le sachet plastique du pain demi qu'on a gardé. Enfin, tout un tas de sachets plastiques qu'on gardait. Et du coup, on a mis toutes nos petites pâtisseries dedans. Ça n'a pas posé de problème. Non. Et c'est d'ailleurs délicieux, on les a mangés ce matin. Et ça nous a coûté beaucoup moins cher que quand on était à les petits déjeuners dehors, donc on est bien content niveau budget. Et sinon, après on est allé acheter pour le dîner des petits beignets de tout un tas de trucs différents. Et pareil, on a apporté nos petites boîtes du Summit, on les a mis dedans. Et la dame elle nous a dit que c'était très très bien. C'est très chouette quand même. C'était plusieurs là, à être étonnés, à rigoler quand elles ont vu ça, et puis elles se sont dit ouais, c'est génial. Est-ce que c'est fait au Japon? Ouais. Non, sûrement en Chine, j'ai pas dit, mais je. Bon, on leur a dit qu'on l'avait acheté en France en tout cas, et on leur a dit que nous, nos plastiques. Elle a compris quoi. Ah. Et... elle parlait anglais, donc ça aide quand même. C'était dans un endroit touristique de Nara, hein, oui. C'est une espèce de. C'est un marché couvert. Et ben voilà, regarde comment ça traverse tranquillement ce petit truc. Ah oui, il y a des. Voilà. Des petits daims là qui sont pépouses. Puis, le bon matin, comme ça, ils sont pas trop embêtés, je pense. Il y a pas grand monde. Il y a de circulation, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Ouais. Pourtant, on s'est levé plus tard que ce qu'on voulait. Là, c'est les gens qui vont au travail, hein, les voir. Il est lui. Quelle heure est-il ? Je sais pas. Bientôt 8h. Regarde, non. Avec le lever du soleil. On dirait un daim licorne avec une. Ouais. Bah, il a qu'une corne, quoi. Ça doit être un bébé, ça commence à peine. Ouais. Non, c'est joli, ça. T'as les voir, hein. Ils ont quand même un goût pour l'arrangement. Esthétique, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, dans les jardins et tout, qui est quand même assez incroyable. Oui. Mais je comprends que ça ait beaucoup d'influence en Occident, quoi. Alors, c'est la période de Brahma. Il a essayé, lui, mais il a pas réussi. Il a fait. Alors, j'espère qu'on va pouvoir en entendre, parce qu'on a déjà entendu trois, là. Et ça commence dans les très aigus, comme si c'était une toute petite bête, et puis ça finit par une... comme un ado qui mue, quoi. Ah. Forcément, il y a eu le corbeau en même temps, quoi. Ah, donc, il fallait faire attention, quand même, parce que... D'autant plus pendant que c'est la période du Brahme, ils essaient de s'accoupler. Voilà. On a une porte qui grince. Ouais, faut faire un peu gaffe. Je pense que les cas d'attaque dedans sont quand même très très. Ouais, ils s'attaquent entre eux parce qu'on en a vu se battre tout à l'heure. Ah oui, mais ça toujours. Hein. Bah oui. Non, mais oui, je pense que ça. Mais bon, en fait, faut pas venir les embêter, je pense non plus. C'est ça. C'était tranquille. Il y a eux qui viennent t'embêter parfois. Hein. Oui, on a vu. Il y en avait un qui voulait manger ce qu'il y avait dans le sac à dos de quelqu'un. C'est pas vrai. Parce qu'ils vendent des crackers spéciaux pour pouvoir leur donner à manger. Et du coup, ils en sont dingues a priori. Parce qu'il y en avait qui étaient attroupés autour du vendeur. De vente, ouais. Ils devaient leur donner des petits morceaux et du coup, ils n'en pouvaient plus quoi. Ils étaient limite en train de lui lécher le cou pour l'amadouer. Mais ça, il y en a partout, quoi. C'est hallucinant. En même temps, 1200, sachant que le parc est grand par rapport à la taille de la ville, mais non, pas non plus, je pense, gigantesque. Total, enfin, je me rends pas compte en termes de mètres carrés hectares, quoi, mais. Non, puis tu restes, c'est ça qui est fou, c'est que tu restes dans la ville parce que. Oui, les voitures qui passent. Même, c'est un grand parc, mais morcelé de. Enfin. Séparé par des grands axes de voitures, quand même. Oui, il y a un joli arbre rouge là-bas. Mais c'est un érable. On a de la chance, il fait très beau. Le soleil a une jolie lumière là, sur la forêt. Un peu magique quand même quand on se voit avec ces daims partout. Ouais, puis même ce joli jardin, à la fois tu es entretenu, puis un petit peu sauvage aussi. Je pense que c'est pas la même histoire quand il est 14h, quoi. C'est pour ça qu'il faut se lever tôt, ce qu'on n'arrive pas très souvent à faire, mais... Bah c'est pas facile quand tu dors pas bien, tu vois. Chacun son tour. Le problème, c'est qu'on est rarement raccord en termes de qui dort bien, qui dort pas bien, donc du coup, il y en a un qui est fatigué, l'autre qui a plus la tête. Ouais. Bon. Allez, comment on va faire ça? Hein? Petite collinette là. Là. Collinette? C'est un tout petit poil vallonné, tu vois, avec des petits arbres derrière les montagnes. On se croirait un peu dans un. En Normandie ou en Angleterre, tu sais, avec un peu de brume là. Oui. Voilà. C'est vrai. Je trouve ça joli. Nous sommes dans le sanctuaire de Kasuga Taisha, où il y a plein de lanternes en pierre. Plus de 3000, je crois. Il y a plein de petits hôtels et des lieux d'autres lieux de prière avec les petites fontaines. C'est pas une fontaine, c'est la purification. C'est une fontaine. Enfin, c'est une... Oui, mais c'est pas juste une petite fontaine comme ça. Enfin, jolie, quoi. C'est fait et joli. Et c'est pour se purifier. Et en plus, c'est calme, là, parce que tous les gens, ils doivent être au temple principal. Enfin... Au sanctuaire. Au shrine. Ouais. Au sanctuaire. Et il y a aussi un temple, hein. Il y a aussi c'est un temple, ça, donc on est un peu perdu. On est perdu. Donc on va dire au temple principal. Et là, il n'y a personne. On est dans un petit coin. C'est la nature. On est le 29 octobre 2019. Nous sommes toujours à Nara. Et ce matin, on a décidé encore de se lever tôt pour aller visiter le temple Todaiji. Il y en a bien fait parce que, à part des classes, il n'y a pas grand monde. Non. Bon, il pleut des cordes aussi. Oui, mais ça, faut aussi faire. Hein. C'est le médecin japonais. Alors, c'est quand même. Hyper impressionnant. Déjà, tu passes par une porte qui est immense. 29 mètres de hauteur, quand même. Avec deux énormes statues de rois divins qui en imposent. Ouais. Ouais. Ils gardent bien le temple. Hein. Et t'arrives dans le temple, quoi. Devant le temple principal, ouais. Qui s'appelle le pavillon Daibutsu Den. veut dire le pavillon du grand Bouddha. Tout à fait. Et il porte bien son nom. Parce que c'est juste impressionnant la taille du Bouddha. Quoi. Donc il fait 15 mètres de hauteur. Et c'est la plus grande sculpture en bronze du monde. Donc ça rigole pas les gars. Et c'est vrai que c'est hallucinant. Ah non, non, c'est... Je pense... Enfin, tu vois, ça te donne envie de rester, je sais pas, de se planter devant pendant des heures, parce que c'est... Je sais pas, c'est... C'est fou. Et ça a été construit au... Enfin, ça a été fait au 8e siècle, quoi. Tout cet édifice. Et puis c'est un des plus grands édifices en bois aussi, le... Ouais, exactement. Le temple, hein, j'ai oublié de préciser, excusez-moi. C'est un des temples les plus imposants du Japon, et le pavillon principal dans lequel on est, en effet, c'est le plus grand édifice en bois du monde. Et ça m'étonne pas parce que c'est vraiment gigantesque. Enfin, la hauteur du pavillon, et tout est en bois. Enfin, il y a les piliers, les poutres. Ce serait un artiste, c'est un, enfin, c'est un artiste coréen qui l'a réalisé. Qui a fait le Bouddha. Qui a fait le Bouddha. Le temple, je suis pas sûre. Non, non, le Bouddha. Le Bouddha, excusez-moi. Ouais. Bah... Ça vaut le détour. C'est pas donné l'entrée? C'est 600 yens par personne. Donc ça fait allez, 5 euros. Bon, c'est pas donné, bon, c'est toujours pareil. C'est pas l'ampleur de prix, hein, mais on voit juste un temple avec un Bouddha. Enfin, c'est pas non plus un énorme musée. Mais en revanche, ouais, c'est impressionnant. Une petite classe, qui... enfin une grande classe qui arrive. On est devant une boîte de dons. Pour reconstruire Notre-Dame. Ils expliquent que comme le temple a brûlé plusieurs fois et qu'à chaque fois il a été reconstruit, ils se partagent en gros la peine des gens. Enfin, je sais pas si c'est le mot approprié, mais voilà. Et du coup, ils encouragent à donner pour reconstruire Notre-Dame. C'est fou quand même. J'aimerais bien voir ça. Tiens, à Notre-Dame, une petite boîte à dons pour reconstruire un temple au Japon. On est le 31 octobre 2019. Et... Je suis au musée préfectoral des arts de Nara. Il y a une exposition sur Kampo Yoshikawa, qui était à la fois un peintre et un collectionneur. Et il avait fait la collection de plein d'objets et de costumes traditionnels, ce qui fait qu'il faisait poser des modèles et ce qui lui permettait de peindre, et aussi à d'autres artistes de venir en résidence et de pouvoir peindre avec ses collections. Et c'était une référence aussi pour tout ce qui était accessoires de théâtre et de cinéma. Et en fait, il était spécialisé dans la peinture traditionnelle japonaise. Alors, ce qui est un peu frustrant, c'est que tout est en japonais, pas de description en anglais, même pas un titre. Ou même l'année, ou l'art, même l'artiste, parce que je pense qu'il n'y a pas que lui en effet qui est exposé. Mais sinon, c'est une chouette expo. Le musée est gratuit, alors ce qui est. Enfin, il est gratuit pour les étrangers, les étudiants, ce qui est assez étonnant, mais franchement, c'est pas mal pour une expo gratuite. Surtout que jusque-là, on est un peu habitué à payer. Pour rentrer un peu partout dans les temples, dans les musées en général au Japon. Et si le budget grimpe vite. Donc là, ça fait du bien. Par exemple, on est allé il y a deux jours voir le musée de Nara, le musée national. L'entrée est payante et en fait, en collection permanente, il n'y avait que des statues. De Bouddha ou de divinité liée au bouddhisme. Mais sauf que il y avait très peu de descriptions qui permettaient de situer un peu tout ça. Donc c'était un petit peu décevant. En fait, surtout quand tu payes un musée, c'est pas mal quand même de pouvoir apprendre des choses. Voilà, là en l'occurrence, bon, tu payes pas, mais... quand même des jolies choses à voir. Voilà, donc ça c'est cool. Et je viens de me découvrir une passion pour le dessin et la peinture traditionnelle japonaise. Et là, on retrouve des scènes des poètes, une poétesse, une des 36 poétesses. Immortelle, voilà. 1er novembre 2019. Donc là, on est à Hiroshima. Et on traverse une énorme galerie couverte. Il y a des écrans avec des pubs et puis plein de gens. Puis beaucoup de lumière, un peu façon Times Square. Ça va, je crois que c'est pas tout à fait l'affluence qu'il y aura à Tokyo quand tu traverses l'espèce de passage piéton qui est en Z là, qui est hyper connu, hyper photogénique et tout. Ça reste raisonnable quand même. Oui, mais c'est vraiment le pèlerinage de la consommation. Ah oui. Bah on y est hein, d'ailleurs, mais nous on va voir des boutiques de seconde main. Et oui. On vous a eu. Parce qu'il y en a beaucoup en fait. On est tombé sur deux déjà, trois. Ouais, et dans le centre commercial où on va, il y a un étage entier quasiment dédié à ça. Donc c'est plutôt chouette. J'ai un peu envie de renouveler ma garde-robe. Non. C'est pas très écolo quand même. Bah, c'est de la seconde main, t'as le droit ? Non, c'est parce que j'ai un pantalon qui est trop grand que je perds, et donc du coup. Voilà, je cherche un remplacement. En tout cas, on vient d'arriver aujourd'hui, on a pris le Shinkansen depuis. Enfin, Kyoto. On en est retourné à Kyoto pour prendre le train. Ça pique les yeux quand même. Pas la seconde main, hein, mais le super enchaîné. Et ça a l'air sympathique hein, comme ville. Enfin, ouais. On s'y sent bien toujours. Enfin, ça... Ce qu'on se disait, c'est que depuis qu'on est arrivé, toutes les villes qu'on a vues traverser, ben franchement, c'est chouette. Hein. Nara, c'était top, quoi. Enfin, d'ailleurs, moi, je pourrais y habiter. 5 jours ? Pour l'instant, je pourrais habiter Kyoto, Nara. Parce qu'en fait, ce qui est cool à Nara, c'est que tu as envie juste un petit peu d'aller hop, au parc. Tu vas voir un peu les biches et les daims. C'est vrai que c'est hyper agréable, puis la ville est très mignonne, touristique sans être complètement bondée de monde, donc on s'y est bien senti.